J'ai claqué tout sa mère à l'économie. IG, tu follow me. Fais l'action, bouche pleine de calomnie. Tariq, racla, oui. Le fion rempli de saloperies. Saïd, dagma, oui. Sac mortier, un cœur d'un panoplie. Pillard, swallow me. Pendant qu'ils font belle à Henny, de n'avoir rien compris. Pas de nom pour les buzz. Pas un peu de nos œuvres. Révolution de l'envers, tu n'as que 3 followers. Un pays sans force à l'horreur, les gouvernements sont des tueurs. Je milite pour mes proches, au moins eux je peux les sauver. Je laisse l'instant chantier de dire qui est bon, qui est mauvais. Pour dénoncer atrocité, j'entends pas que ça passe à la télé. Ma life est d'humeur palestinienne, bien avant toi depuis destiné. Mon rap va à Costa del Sol, coffre chargé, prêt à voircher. Seul dans un linceul écart, la sans porte dans mes couilles, j'aurais marché. Reste derrière ton PC, à refaire le monde et arraché. Je me suis fait dans la rue, qui va m'arrêter par la 3G. Je ne fais la guerre qu'au rappeur, ne cautionne la mort d'aucun enfant. Je suis lion de la terre en gant, fuck la souris, fuck l'éléphant. Je suis propre en lieu d'art, pas quel city arme de guerre dans mon placard. Fuck Mozart, mélodie noire, comme un grand Dakar. Les tonovites font plus de bruit, les gros c'est ce que l'on dit. Livraison Lamborghini, allô monsieur Mariotti. J'étais compresso que Audi, tu finis tes raviolis. Vu que j'suis dans le game, mon MC préféré passe en violi. Quand je leur dis de niquer leur mère, les gros crois moi je suis poli. Mon dernier single dans un chat, tombe dans les rues de Tripoli. Je ne fais jamais semblant de tirer elle que l'avenir est sans goût. Parole de paix et de haine, enterre mon cœur dans un drap blanc. Mon rapport à Costa del Sol, coffre chargé, prêt à voircher. Seul dans un linceul écart, la dent porte dans mes couilles, j'aurais marché. Reste derrière ton PC, à refaire le monde et arraché. Je me suis fait dans la rue, qui va m'arrêter par la 3G. Mmh.